l'époque, c'était eux qui tenaient les fatwas. Ils sont au nombre de 7. Il y a qui ? Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, naam. Qui d'autre ? Abdallah ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud. Ibn Malik. Hein ? Ibn Malik. Anas ibn Malik, lui. Ah. Non. Ibn Malik. Ali, radiallahu anhu, naam. Abu Bakr. Mu'adh. Aïcha, il en manque un. Ibn Omar. Ibn Omar. Les sept qui sont considérés comme ceux qui faisaient le plus. Il y a des ulama qui disent que si on aurait recueilli toutes leurs fatwas, qu'ils ont délivrées véritablement, on peut écrire pour chacun un gros volume de fatwas. Chacun. Alors ça a été fait, Allahu A'lam. En tout cas, c'est la parole d'Ibn Hazm. Alors, on est dans. Et en tout cas, c'est arabe. Il y a un livre, pour ceux qui ont la langue arabe, que je recommande dans ce domaine, qui s'appelle I'lam al-Muqarin, An Rabbil Alamin, d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Ce livre-là est un livre exceptionnel, comme beaucoup de livres qu'il a écrits, comme tous les livres. I'lam al-Muqarin. Ou des ulama voient qu'il se prononce A'lam, Al-Muqarrin. C'est-à-dire les noms des signataires. A'lam Al-Muqarrin. Al-Tawqi', c'est une signature. Donc ici, le titre d'Ibn al-Qayyim, il l'a appelé les plus nobles des noms des dignitaires, ceux qui sont en train de signer, les signataires. Si on peut dire au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il délivre des fatwas. Il te dit halal, je signe. C'est ça que ça veut dire le livre, le nom. I'alam al-Muqarrin ou A'lam al-Muqarrin en Rabbil Alamin. Donc Ibn al-Qayyim, il a écrit ce livre en plusieurs volumes que je conseille. Et dedans, il parle véritablement du fiqh chez les Sahaba et il s'approfondit dedans. Mais nous, on ne va pas s'approfondir. Donc on a les Sahaba. Et parmi eux, bien évidemment, il y a ceux qui ont pris énormément de ilm, d'autres moins. Pourquoi ils n'ont pas tous le même niveau de ilm ? Parce que probablement, on est tous différents. L'être humain, par définition, est différent de l'autre. Deuxièmement, la moulazama, le temps qu'il est resté avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam est différent des autres. Il y a les sahaba qui sont restés quelques jours, d'autres quelques mois, d'autres pendant plusieurs années. Donc tu ne vas pas recueillir de Nabi sallallahu alayhi wa sallam la même chose. Également l'occupation que certains sahaba avaient. Abu Bakr, il n'était pas dedans. Je ne sais pas si on va citer. Il n'est pas dedans, il n'est pas dans le Muqtirun. Abu Bakr, radiallahu anhu, il était khalifa. Il était occupé à la gouvernance, au hurub, de ce qui se passait dans le royaume. Donc il n'était pas devant les gens en train de faire des fatwas, mais occupé à autre chose et d'autres sahaba également. Ce qui fait que la science des Sahaba n'était pas toute pareille. Et ça aura un impact. Car après le khalifat de Abu Bakr, on a le khalifat de Omar ibn al-Khattab. Le khalifat de Abu Bakr, il a duré 2 ans et 3 mois. C'est-à-dire pas beaucoup. C'est-à-dire qu'après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu 2 ans et 3 mois. Radiallahu anhu. Omar, lorsqu'il a pris le khalifat, toutes les années de son khalifat, il y a eu énormément de conquêtes. C'est-à-dire, le domaine des musulmans s'est multiplié. Il s'est agrandi à travers toute la péninsule et au-delà. Ils ont commencé à empiéter sur le royaume de Perse, sur tout ce qui est au-dessus de l'Irak, le Bidlad al-Sham, jusqu'en Égypte, et passer de l'autre côté. Donc ça s'est agrandi. Et forcément, si le territoire s'agrandit, cela appelle que les Sahaba se dispersent. et on les envoie dans les endroits qui viennent juste d'être conquéris, pour apprendre la religion aux gens, pour diriger, et pour que tout cela se passe pour le mieux possible. Ce qui fait que de Médine, les Sahaba ont été dispatchés dans plusieurs endroits, envoyés, pour justement être présents dans ces endroits-là et propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc transmettre l'ilm. Et donc on a comme ça. Est-ce que je suis capable de faire une carte? Pas sûr. Ne regardez pas. Est-ce que... En plus de tête, comme ça, c'est compliqué. Les musulmans ne voudront pas. À peu près. On comprend à peu près ? Ça, c'est la péninsule arabique. Ici. On ne peut pas faire un cours de géo, mais c'est important. C'est important. La plupart d'entre nous, si on devrait mettre l'Inde, les gens, ils vont être en galère. Là, on a la péninsule arabique. On a la mer Rouge. Ici. Ici. On va avoir la Jordanie, la Syrie, l'Irak, l'Iran, Pakistan et tout le folklore. Ici, un peu au-dessus, on a la Palestine et les territoires occupés et tout ce qui est au-dessus problématique. Et là, l'Égypte, ce côté-là. Ça, c'est le Sinaï et l'Égypte. Donc on part de Médine. Médine, c'est à peu près. Ils m'en voudront pas à quelques kilomètres près. Donc les Sahaba, à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on est parti juste de Mecca, qui est un peu là, sont partis à Médine, et c'était simplement ça l'islam. Puis, pratiquement toute la péninsule arabique est devenue musulmane à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque de Abu Bakr, il y a juste Bilad al-Sham. Bilad al-Sham, on peut dire, c'est tout ce qui est la Syrie, le Liban et la Jordanie. Juste au-dessus. Est devenu musulman. Omar, là, ça s'est élargi au niveau du haut et sur les côtés. Ils ont pris une partie de la Perse et sont rentrés en Égypte et se sont élargis. Donc les Sahaba ont été dispatchés. C'est pour ça que je voulais faire cela. Parmi les endroits, on va commencer par trois endroits. Ah, vous me dites, j'ai mis ça. On va commencer par ça. Par trois endroits. Le premier, qui est Mecca. C'est écrit Égypte. Y. Je vous donne une faïda de Cheikh Mohammed Ben Hadi. Un jour, on était avec lui et il parlait à un frère de l'histoire de France. Il est très cultivé dans l'histoire, Cheikh. Pas que dans l'histoire, évidemment. Et il nous disait, en France, vous dites comment l'Égypte? Donc on lui dit Égypte. Il me dit, la base, ce mot-là, en vérité, il vient de Al-Qubt, Al-Aqbat. L'Aqbat, c'est les chrétiens d'Orient, les anciens byzantins. Et il disait, le mot en vérité que vous avez aujourd'hui, il vient de l'Aqbat. Et tu peux regarder. Al-Aqbat. L'Égypte. À l'égyptienne. L'Égypte. Oui, mais c'était une parenthèse. Voici la carte de la péninsule arabique. Donc, les Sahaba étaient concentrés à Médine. Pas que, puisque ils ont ouvert Mecca à la fin de la vie du prophète. Mais les sahaba, donc, ils ont été dispatchés dans plein d'endroits. Pour quelle raison? On n'a plus de bleu, moi. C'est mort. S'il n'y a plus, dis-moi, il n'y a plus. Puisqu'il est un peu... pour qu'on voit un peu. Donc, comme je disais, sous le khalifa de Omar, radiallahu anhu, les futuhat ont été tellement grandes que forcément, il fallait éduquer les gens et tenir les endroits également. Et donc, il a envoyé les sahaba pour propager le din, apprendre aux gens. Donc il a envoyé des gens qui étaient, on ne peut plus, éduqués, savants, pour éduquer les gens. Et ainsi a commencé à se composer ce qu'on appelle des madaris, entre guillemets, des petites écoles. Mais pensez pas que c'était les écoles comme on a aujourd'hui, école élémentaire, primaire ou autre, avec les tables, les chaises. Non. C'est que ils venaient s'asseoir, les gens, donc les tabirines pour la plupart, ils venaient s'asseoir devant les sahaba qui étaient devant eux, afin de prendre le ilm et le fiqh qu'ils avaient. À Médine, il y avait bien évidemment beaucoup, beaucoup de musulmans, beaucoup de sahaba. Il y a ou pas? Il marche? Ça c'est noir ça. Non, c'est bleu. Avec l'eau fait crever. Donc à Médine, bien évidemment, c'était l'endroit où il y avait le plus de sahaba. Donc les gens, ils venaient en masse à Médine. Mais pas que. Donc à Médine, au début, il y avait celui qui tenait le fatwa, le fiqh, et l'éducation des gens. Même s'il y avait beaucoup de sahaba qui le faisaient, il y avait une personne qui était au-dessus dans cela, qui s'appelle Zayd ibn Thabit. Radiallahu anhu. Zayd ibn Thabit, c'est un sahabi qui est malheureusement que très peu connu. Il fait partie des sahaba les plus connus, les plus savants. Il fait partie de ceux qui ont appris le Qur'an en entier, et il fait surtout partie des gens qui ont écrit le Coran. Il fait partie des gens qui écrivaient la révélation. Donc, pensez à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est chargé d'écrire la révélation? Grosse responsabilité, on parle du Coran. Zayd ibn Thabit radiallahu anhu faisait partie de ces gens-là, et il était parmi ceux qui étaient à Médine radiallahu anhu. À Mecca, il y avait un sahabi qui était un petit garçon à l'époque et qui a grandi. Ibn Abbas, Abdallah, Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Anhuma, pourquoi? Pour lui et son papa. Donc Abdallah ibn Abbas, Abbas c'est son papa, c'est l'oncle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et Abdallah c'est lui. Abdallah ibn Abbas était un jeune garçon à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Nabi alayhi wa sallam est mort, il avait à peine 14-15 ans. Abdallah ibn Abbas. Donc il fait partie de ce qu'on appelle Sirar al-Sahaba. Les Sahaba qui étaient petits. Ibn Abbas. Et il y avait un autre endroit qui est le Koufa. Al-Kufa, il y a plusieurs sahaba qui sont partis là-bas. Elle a eu cette région-là, la région de l'Irak. Elle a eu énormément d'impact dans la fin de l'époque des sahaba et tout ce qui est après. Tout ce qui est après. Tout ce qui est la région de l'Irak, c'est-à-dire qui est composée ici de Al-Basra et de Al-Kufa. C'est une région qui était très connue dans notre histoire, l'histoire des musulmans, pour l'ilm et la sunna. C'est étonnant de dire ça, quand on voit ce qui est devenu Bagdad. Bagdad, qui est aujourd'hui, tristement célèbre, en Irak, sachez que c'était la capitale du ilm chez les salafs. Et chez les gens du hadith et de manière générale dans l'ilm, un talib l'ilm, celui qui peut voyager, il n'est pas venu à Bagdad. Tout le monde allait là-bas. Ils ont fait une cité qui est une référence à la matière jusqu'à Bagdad. Ils ont fait une cité. Il est dit. Quand je dis il est dit, ça veut dire rien, il n'y a pas de chaîne de transmission, rien n'est sûr. Il est dit que jusqu'à Silicon Valley, ils ont reproduit le schéma de la cité de Bagdad. En tout cas, en photo, ça peut être vrai. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une cité en rond. Ils ont fait une cité en rond. Architecture futuriste. Et c'est un endroit où tous les ulama de toutes les contrées se réunissaient. Jusqu'à qu'ils ont fait un endroit pour réunir tous les ulama pour qu'ils se rencontrent. Ils l'ont appelé cet endroit Dar al-Hikma. Ne vous méprenez pas. On ne parle pas de Dar al-Hikma. Je parle d'Al-Hikma qui est à la base, celle qui est à Bagdad, mais je suis sorti du sujet, il est déjà 20h06. Donc j'ai dit, à Médine, on va aller petit à petit. À Médine, il y avait Zayd ibn Thabit qui lui transmettait l'islam, le din, le ilm, le fiqh aux gens qui étaient devant lui, aux tabi'in. À sa mort, il y a une personne qui a pris le relais, qui lui aussi fait partie des jeunes garçons, et qui a pris les rênes, et qui s'appelle Abdallah ibn Omar. Donc à Médine, il y avait au début Zayd ibn Thabit, et à sa mort, a pris le relais Abdallah ibn Omar. Abdallah ibn Omar, à Médine. À Médine, essayez d'imaginer le nombre de sahaba, de tabi'un, qui sont devenus des imams, des ulama, dans cette madrasa, à Médine. Abdallah ibn Omar, il a éduqué des gens. Parmi ces gens-là, bien évidemment, il y a ses enfants. Les enfants de Abdallah ibn Omar, il y en a un particulièrement qui est très connu. Il s'appelle Salim. Salim ibn Abdillah ibn Omar ibn al-Khattab. Et Salim, il fait partie des ulama de Médine, de Tabirin, c'est-à-dire donc après les Sahaba, ceux qui ont pris la science des Sahaba, ils l'ont pris de Abdallah ibn Omar, et il s'est avéré qu'ils étaient des fuqaha de référence au nombre de sept. Sept références. Sept personnes qu'on appelle aujourd'hui Al-Fuqaha al-Sab'a, c'est-à-dire les sept Fuqaha, si on peut dire, et qui sont très connus. C'est-à-dire qu'une personne qui va apprendre un peu le fiqh, dans l'époque des Tabi'in, c'est obligé qu'il entend ce nom-là. Fuqaha al-Sab'a al-Medina, c'est obligé. Et la plupart d'entre eux sont des descendants des Sahaba. C'est-à-dire des Sahaba est devenu des ulama. Comme j'ai dit, le premier c'était Salim. Salim ibn Abdillah ibn Omar, radiallahu anhuma, wa rahimahullah. Il y avait également son fils, le fils de Zayd. Il s'appelle Kharija. Kharija de Zayd ibn Thabit. Il fait partie des fuqaha de Medina. Il y a Saïd ibn al-Musayyib, qui lui n'est pas de la descendance des Sahaba, ou des Sahaba collés plutôt. Mais il a une particularité. Cette particularité, c'est que il a connu énormément de Sahaba. Et il a passé énormément de temps avec des Sahaba, notamment Omar, jusqu'à qu'ils disent que c'est Riwaya, les Riwaya qu'il avait dans le Hadith. C'est les riwayas de Omar. Chaque fois il ramenait, c'était de Omar. Et il était souvent avec un compagnon qui est Abu Huraira, que tout le monde connaît. Donc essaie d'imaginer que tu restes toujours avec Abu Huraira. Comment tu vas prendre les hadiths? Il fait partie de ceux qui, ou même c'est celui qui a rapporté le plus de hadiths. Et donc, tellement il resta avec lui, Abu Huraira lui a marié sa fille. Donc son beau-père, c'est Abu Huraira. Il y en a d'autres qui sont dedans. Il y a le petit-fils d'Abu Bakr Siddiq, qui s'appelle Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, radiallahu anhuma wa rahimahullah. Et il y en a plein d'autres. Suleyman ibn Yassar, il y a Arwa, qui est de la descendance des plus nobles. Arwa ibn Zubayr ibn al-Awam, le frère d'Abdallah ibn Zubayr, le fils de Asma bint Abu Bakr, le neveu de Aïcha, radiallahu anha, une famille alim. Et donc c'est à Médine qu'il y a eu cette madrasa qui a commencé à se constituer. Et le ilm s'est propagé ainsi, c'est-à-dire de Sahaba qui ont transmis aux tabi'in et qui sont devenus eux des imams. Je continue. Parmi les gens qui étaient parmi les tabi'in, il y a une personne qui était le servant de Abdallah ibn Omar. Vous connaissez? Oui, vous connaissez. Mais c'était le servant de Abdallah ibn Omar. Il s'appelle Nafi'. Obligé, vous connaissez Nafi'. Il est connu comme Nafi' Maoula ibn Omar. Nafi', il a une particularité. C'est quoi cette particularité? Ce qu'il a dit. Je veux vous emmener sur le firqon. Nafi', il a un étudiant, un élève. Ah. C'est le chir ou un des chirs de l'imam Malik. Donc là, on commence à voir, c'était le but du cours, on commence à voir comment s'est transmis le firq pour devenir jusqu'aux imams. Je n'ai pas encore parlé de madhab. Jusqu'aux imams. Donc là, nous avons Abdallah ibn Omar qui a transmis sa science à plusieurs tabi'in. Parmi eux, Nafi'. Et Nafi' a transmis cette science-là. Et parmi ses élèves, il y avait l'imam Malik ibn Anas al-Asbuhi rahimahullah. Et donc, nous avons la lignée. Comment le ilm et le fiqh s'est transmis. On va terminer sur le Koufa. Le Koufa qui est une région de l'Irak. Il y a beaucoup de sahabas qui sont venus ici. Parmi les sahabas les plus connus, il y avait Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Il y avait surtout Ibn Mas'ud, Abdallah ibn Mas'ud. Omar fait partie des gens qui ont transmis la science et le Koufa. Et donc, comme j'ai dit, certains sahabas sont partis dans plusieurs contrées. Abdallah ibn Mas'ud fait partie des gens qui étaient fil Koufa. Abdallah ibn Mas'ud. Il est mort en 32. Abdallah ibn Mas'ud, il fait partie des gens qui étaient toujours avec Nabi Ali sallallahu alayhi wa sallam. Il disait que c'était Sahib ibn Ali. Son surnom. Donc Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. De la même manière, il a commencé à transmettre l'ilm. Il a commencé à transmettre, à faire des fatwas, à éclaircir aux gens ce qui est halal, ce qui est haram, le din de manière générale. Et lui aussi a eu des personnes très connues comme étudiants. Sur ça. Donc il avait parmi les étudiants qui étaient présents chez Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il y avait une personne qui s'appelle Alqama. Alqama. Très connu en vérité. Hein. Quand on voit comme ça, mais c'est une personne qui est très connue. Alqama, il a eu, lui, un étudiant qui s'appelait Ibrahim al-Nakhai. Al-Faqih, très connu. Il fait partie des imams, des salafs. Ibrahim ou Ibrahim. Ibrahim. Al-Nakhai. Rahimahullah. Et lui a eu un élève. Ils en ont eu plein. Mais je vous emmène quelque part. Il a eu un élève qui s'appelle Hamad ibn Abi Sulayman. Et c'est le plus grand chir de cet imam connu. Qui est l'imam? Hamad ibn Abi Sulayman. Il a eu un élève qui est devenu l'imam. Là où je vous emmenais, les frères, c'est que le ilm, il s'est transmis, non pas par des personnes ignorantes, mais par des ulama qui ont pris des sahaba. Les sahaba ont pris de Nabi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, c'est-à-dire directement de l'Ouahi, et il s'est transmis ainsi, jusqu'à arriver à des imams. Des imams, aujourd'hui, les gens en connaissent que quatre. Quatre écoles, comme ils disent. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed. Shafi'i, qui était en Égypte, même s'il est parti du côté de l'Irak, il a terminé en Égypte, et Ahmed, qui était à Bagdad. Ces quatre imams, il y en avait d'autres à leur époque. Il y avait des personnes qui étaient aussi érudites, si ce n'est plus. Il y a une personne qui est connue, Hisham al-Awza'i. Auza'i, imam, l'Auza'i. Il y avait également imam al-Tafsir, Ibn Jarir, al-Tabari. Et tous avaient ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un madhab. Il y en avait énormément. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a donné des causes pour que certains madhab restent. Et d'autres, ils disparaissent. Parmi les causes. Premièrement, parmi les causes de cela, il y a eu les élèves de ces imams. Avant ça, est-ce que vous pensez vraiment que l'imam lui-même s'est dit « je suis un imam et on va faire un madhab » Si vous avez ça dans la tête, enlevez-le tout de suite. Il n'a jamais été au courant de ce qui s'est passé après lui. Et il n'a jamais voulu cela. Tous les imams, quels qu'ils soient, ont dit que personne me suive moi, mais qu'ils prennent d'où j'ai pris. Mais, comme nous tous, on apprend à l'aïm. Ce qu'il faut apprendre, c'est à dissocier l'homme de la vérité que tu cherches. C'est-à-dire que, si moi, j'ai fait des cours chez Shir Intel, il n'y a pas. La vérité, c'est forcément ce qu'il dit lui. Mais il y a divergence chez les savants de la sunna. Non. Cher, il a dit la yajuz. Aucun salaf ne pensait comme ça. Aucun. Ce qui était primordial pour eux, c'est d'aller chercher le haq. Même s'il y a des divergences chez les imams, ils allaient chercher où était la vérité. Que lui l'ait dit, que lui l'ait dit, que lui l'ait dit. Peu importe. Vous connaissez tous ce athar de Abdallah ibn Abbas radiallahu anhu, qui était au Hajj. Et lorsqu'il était au Hajj, il a vu les gens dire nous allons faire Al-Ifrad. Vous allez faire une aparté. Le Hajj, il y a trois manières de l'accomplir. Trois manières. Tamattu', Al-Qiran, Al-Ifrad. Tamattu, Omra, on se désacralise, on se remet en état d'ihram, mais on fait le hajj. Tamattu. Al-Qiran, on fait Omra sans se désacraliser, on va faire le hajj. Al-Ifrad, on fait juste le hajj, pas de Omra. Trois manières différentes que les Sahaba ont fait différemment. Ibn Abbas, il entend que les gens veulent tous faire l'Ifrad. Il leur dit, ne faites pas l'Ifrad. Faites tamattu. Car le prophète, parce que le prophète, nous a demandé de faire tamattu. Les gens, ils ont dit, mais ceux qui nous disent de faire l'Ifrad, c'est Abu Bakr et Omar. Il n'a pas dit Abu Hanif à l'imam Malik. Parler des plus grands compagnons qui sont les meilleurs de cette communauté, Abu Bakr et Omar. Donc ils ont dit à Ibn Abbas, mais c'est Abu Bakr et Omar qui nous disent de faire l'Ifrad. Il a fait quoi? Bah, suivez vos chiens. Non. Il a dit, je vous ai dit, le Nabi alayhi salam a dit. Et vous me dites, Abu Bakr et Omar les disent. C'est quoi la phrase après? Wallah, j'ai peur que des pierres tombent du ciel sur votre tête, comme châtiment de ce que vous faites. Ils ne sont pas venus avec une bid'a. Abu Bakr et Omar sont les plus intelligents, les plus droits, les plus pieux de cette communauté. Eux, ils ont vu, je vous expliquer pourquoi ils ont dit ça, ils ont vu que si on faisait tamattu, c'est-à-dire qu'on faisait une omra pendant le hajj, une omra et le hajj, les gens ne reviendraient pas à Mecca. Et pendant l'année, la Kaaba serait vide. Donc ils disent, le mieux, les personnes, ils font juste le hajj pour qu'après, ils reviennent faire une omra dans l'année et que la Kaaba soit toujours pleine. Nous, on fait des doigts pour qu'elle soit vide. Tellement il y a du monde. On est là, alhamd. Donc, oui, c'est un ijtihad. Mais la manière qu'Ibn Abbas a éduqué les gens, il leur a dit, vous me dites Abu Bakr et Omar, on dit, moi, je vous dis, قال النبي صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire ce qu'il a mis en avant, en train de parler simplement, un homme a dit, on parle d'une révélation, c'est un délit. Je te donne Dali, viens pas me raconter un tel ou un tel. C'est l'éducation qui s'est transmise. Et tard. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed et les autres ont éduqué sur ce manage, sur le fait de ne suivre que ce que tu penses être la vérité. De ne pas savoir qui a dit ça. Pas le plus important. Le plus important, c'est avec quoi il a dit ça. Est-ce que c'est un délil? Est-ce que c'est venu véritablement du Coran, de la Sunna? Et il l'appliquait. Mais ils avaient tous des élèves. Et ces élèves étaient tous différents. L'imam Ahmed, qui était à Bagdad, lui, il ne voulait pas que ses étudiants écrivent ce qu'il disait. Et ce qui est connu de ces élèves, c'est que ce sont des personnes qui ne se mettaient jamais devant les gens. Ils étaient, ce qu'on appelle en français, des ascètes. Il y a des personnes qui étaient versées plus dans l'adoration et le zohd, Teres Dunia, Salat, Qiyam al-Layl, Somm, c'était ça leur vie. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i ont eu des élèves qui étaient autres. Qui eux ont écrit et compilé pour après transmettre et faire des livres. Et ces livres-là ont été dispersés. Mais également, parmi les causes, il y a le fait qu'il y a des pays qui ont cru que l'imam avait prononcé comme madhab du pays. C'est pour ça qu'il y a beaucoup à la vie. Dans la région où j'ai écrit. Afghanistan, Inde, Bangladesh, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Daoulas qui ont pris le madhab Hanafi comme madhab. Puis également Shafi'i, jusqu'à aujourd'hui. Très peu de l'imam Ahmed. parler de l'imam Ahmed. Pourquoi? Surtout de notre temps. Dans notre temps, pourquoi on voit beaucoup le madhhab de l'imam Ahmed maintenant? Reviens à ce que j'ai dit. Parce que le pays a pris comme référence le madhhab de l'imam Ahmed. C'est pour ça qu'aujourd'hui il est remis en avant, etc. Si on s'arrête là, à la base. J'aurais voulu vous mettre d'autres. Mais le but, c'est de comprendre un petit peu comment ça s'est propagé, comment petit à petit on est arrivé à des madhhab. C'est-à-dire que les élèves, par la suite, ont compilé les paroles de l'imam, ses faits, ses gestes. Ils en ont fait des livres, ils en ont fait des résumés, ils ont expliqué les livres, ils ont expliqué les résumés, ils ont expliqué les explications des livres, ainsi de suite, sur tous les livres qu'on a. Et c'est vrai que je cite tout cela. Y a-t-il des questions sur le cours? Al-Qafi bi al-Qadr, Allahu A'lam, sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت